Je vois un vieux chiffon. C'est ça. Je mets toujours un chiffon par-dessus, à cause des cambrioleurs. Enlevez le chiffon, la boîte est dessous. Enfin, la voilà. Chantal, voulez-vous ouvrir le classeur? Oh mon Dieu, il n'est pas fermé à clé. Vous êtes sûre? Comment ça? J'ai pourtant essayé de l'ouvrir et je n'ai pas pu. J'ai dû oublier de le fermer à clé. Alors, à quoi bon cacher la clé? Bon, donnez-moi le dossier du contrat Laforge. Impossible. Votre adjoint l'a emporté hier soir pour l'étudier chez lui. Allons bon. Et il n'est pas là. Je suis sûr qu'il va avoir mal à la tête aujourd'hui. Vous n'avez pas fini de préparer votre devis pour la maison Renard et compagnie. Je vais d'abord vous dicter une lettre. Voilà Monique. Elle va pouvoir prendre votre lettre en sténo.